J'ai eu du mal à me faire reconnaître comme ton égal. Le pouvoir, les bifetons, tu sais, ça m'est égal. J'ai travaillé dur et ouvert des blessures. Tout ça pour un jour t'entendre dire que j'assure. Le sourire en coin, un bloc de feuilles à la main. Je faisais partie de ceux qui passent l'examen. Des jours et des nuits, crayon et gomme à l'appui. Je t'imaginais en train de donner ton avis. Femme d'intérieur ou bien même femme d'affaires, voilà enfin un choix qui pourrait te satisfaire. Me voir rentrer tard, t'as fait avec des lascars. T'as du mal à croire, ça se termine pas au coma. C'est mon hip-hop, H-I-P, P-O-P. Mon hip-hop, H-I-P, P-O-P. C'est mon hip-hop, H-I-P, P-O-P. Mon hip-hop, H-I-P, P-O-P. C'est mon hip-hop, H-I-P, P-O-P. Mon hip-hop, H-I-P, P-O-P. C'est mon hip-hop, H-I-P, P-O-P. Dans ce monde de macho, tu peux y laisser ta peau. Tes rêves et tes plumes pour repartir à zéro. Tu connais le deal, comment tous ces gars hostiles ont pris le pouvoir de contrôler même ton style. Te ranger au placard, au premier petit écart. Envoler, oublier le vilain petit canard. En tant que nana, tu ferais mieux de rester chez toi. Voilà ce que te répètent tous les mecs que tu côtoies. Les pieds au mur, je l'ai été très souvent, ça c'est sûr. J'ai connu la faim, les richesses, la démesure. Maintenant que je suis là, va falloir faire avec moi. Autant être ami si tu veux pas que je te déçoive. C'est mon hip-hop, H-I-P, P-O-P. Mon hip-hop, H-I-P, P-O-P. C'est mon hip-hop, H-I-P, P-O-P. Mon hip-hop, H-I-P, P-O-P. C'est mon hip-hop, H-I-P, P-O-P. Mon hip-hop, H-I-P, P-O-P. C'est mon hip-hop, H-I-P, P-O-P. Aujourd'hui j'ai des clips, on me respecte, je suis dans les hits. Représenter le rap et faire partie de l'élite. Être un exemple pour toutes celles qui tentent. Affronter et gravir les montagnes de façon épatante. Oublier les rires, les vannes vaseuses, y a eu pire. Plutôt t'en servir pour faire bâtir un empire. Savoir rester simple sans même devoir être une sainte. Éviter les accros, pouvoir trouver la feinte. T'as voulu me descendre, mais j'ai su m'en défendre. Tes propos, ton discours, ont fini en cendres. Quoi qu'il en soit, y a pas de règles ni de lois qui m'interdisent à moi de vivre la même passion. C'est mon hip-hop, H-I-P, P-O-P. Mon hip-hop, H-I-P, P-O-P. C'est mon hip-hop, H-I-P, P-O-P. C'est mon hip-hop, H-I-P, P-O-P. Mon hip-hop, H-I-P, P-O-P. C'est mon hip-hop, H-I-P, P-O-P. C'est mon hip-hop, H-I-P, P-O-P. Mon hip-hop, H-I-P, P-O-P. C'est mon hip-hop, H-I-P, P-O-P. C'est mon hip-hop, H-I-P, P-O-P. Mon hip-hop, H-I-P, P-O-P. C'est mon hip-hop, H-I-P, P-O-P. C'est mon hip-hop, H-I-P, P-O-P. Mon hip-hop, H-I-P, P-O-P.